Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la révolte palestinienne de 1937 devient-elle un moment important de la constitution du nationalisme palestinien ? S'interroge l'historien Henri Laurence. Comment le kéfi devient-il le symbole de cette révolte ? Comment la violence devient-elle terrible dans cette crise entre la très dure répression des Britanniques qui ont le mandat de la Palestine et l'engrenage infernal des représailles et contre-représailles entre Arabes et Juifs ? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, a ouvert la semaine passée le large chapitre de l'hégémonie britannique de 1926 à 1956 dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient. Nous suivons l'évolution des pays du Proche-Orient, la Syrie et le Liban sous mandat français, la Palestine sous celui des Anglais, l'Irak indépendante mais liée par le traité d'alliance anglo-irakien, l'ensemble Égypte-Soudan, l'Arabie saoudite qui se sent encerclée et les modernisateurs autoritaires avec la Turquie kémaliste et l'Iran de Reza Khan. Et pour des raisons stratégiques et de communication, cette géographie s'étend aux Balkans, voire aux confins de l'Union soviétique. Le dernier cours s'était achevé sur la question de l'élaboration d'un premier plan de partage pour la Palestine. Henri Laurence avait résumé les termes du rapport Peel, publié le 7 juillet 1937, qui se fonde sur l'impossibilité de faire émerger une identité commune entre juifs et arabes. En fonction des différents scénarios d'immigration en Palestine, les juifs deviendraient majoritaires à l'horizon des années 50-60. Les obligations britanniques envers les deux populations sont inconciliables. La cantonalisation est impossible car elle implique la présence permanente d'un arbitre britannique. Il ne reste plus qu'à diviser la Palestine en trois parties. De leur côté, avait expliqué l'historien, les nationalistes arabes décident de tenir un congrès en Syrie, à Bludan, dans la région de Damas, le 8 septembre 1937. Les délégués sont palestiniens, libanais, syriens, irakiens et égyptiens. Les résolutions votées le 10 septembre insistent sur l'identité arabe de la Palestine, le refus du partage et de l'État juif, l'abolition du mandat et l'arrêt de l'immigration juive en Palestine. Dans ce contexte, les Britanniques commencent à s'inquiéter, rappelle Henri Laurence. Le Haut Comité arabe a réussi à mobiliser les opinions publiques arabes, y compris en Égypte, où les frères musulmans s'en prennent aux Juifs d'Égypte. La compensation accordée aux Arabes, qui serait une Syrie du Sud destinée à fusionner avec d'autres États, en premier lieu la Transjordanie, perturbe tout le système politique arabe en voie de formation. La révolte éclate en Palestine en 1937, comme nous allons le voir en première partie de ce cours, et à partir du second semestre 1938, la réalité politique du Proche-Orient est dominée par la menace croissante de la guerre. Dans ce vaste récit-analyse, nous allons voir en seconde partie comment l'Orient arabe se met sur le pied de guerre justement, comment les démocraties libérales ont abandonné les Juifs d'Europe et comment enfin les Égyptiens ont opéré une conversion culturelle à l'arabisme. Et nous gagnons le Collège de France le 28 novembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence intitulé « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 ». Aujourd'hui, la révolte palestinienne et la veille de la guerre. Donc, la dernière fois, je vous avais évoqué la situation en Palestine à l'automne 1937. D'un côté, il y a un soulèvement arabe qui se prépare. Et de l'autre, vous avez une volonté des Britanniques d'écraser par la force toute tentative de résistance au plan de partage. Et c'est dans ce contexte, le 26 septembre 1937, que le gouverneur, en anglais, district commissioner de la Galilée, est assassiné par un commando qui n'appartient pas à la mouvance du mufti de Jérusalem. Le 1er octobre, selon les plans prévus, les ordres sont donnés par les autorités mandataires de Rété Ajamin et les quatre nationalistes. Mais le mufti a le temps de se réfugier dans le Haram al-Sharif, donc l'esplanade des mosquées, à Jérusalem, où les Britanniques n'osent pas pénétrer. À la mi-octobre, le mufti réussira à s'évader et à se réfugier au Liban, tandis que l'insurrection paysanne démarre en Galilée, puis s'étend à la Palestine centrale. Alors, il faut bien comprendre, c'est un moment important dans la constitution du nationalisme palestinien parce que les territoires du Nord n'appartenaient pas au Sandjak de Jérusalem avant 1914. Ils appartenaient au Vilayet de Beyrouth et ils n'ont été rattachés au Sandjak que par les Britanniques pour former la Palestine mandataire. Donc, ils se sentaient beaucoup moins palestiniens que les gens de la région, disons, de Jaffa, Jérusalem. Mais là, comme ils sont directement exposés par le plan de partage, ils se posent là totalement comme palestiniens. Et donc ensuite, le mouvement s'étend à la Palestine centrale. Les attaques se multiplient contre les Britanniques, leurs collaborateurs arabes et les Juifs. Les Français tolèrent les activités des nationalistes palestiniens dans leur mandat, à la fois pour des raisons de politique locale, c'est-à-dire ménager les nationalistes arabes qui ont déjà suffisamment à faire avec toutes les difficultés qu'ils connaissent dans le pays, s'attirer les bonnes grâces des opinions publiques arabes et musulmanes et, vision à plus long terme, s'opposer au projet de Syrie du Sud qui est considéré comme un danger pour l'influence française en Syrie. Et puis, il y a aussi un coup, visiblement, c'est des responsables français locaux, là, et les coloniaux, rendre aux Anglais la monnaie de leur pièce pour le soutien qui avait été accordé à la révolte syrienne à partir de la Transjordanie au milieu des années 20. Chacun son tour. À la fin de l'automne, il n'existe plus d'interlocuteur arabe pour les Britanniques, étant donné que les nationalistes sont en prison, et que les autres n'osent plus bouger. Comme les cadres urbains palestiniens, les gens à Tarbouche, sont arrêtés, les jeunesses éduquées, dans le vocabulaire de l'époque, le mouvement est essentiellement paysan. Et pour des raisons à la fois militaires et symboliques, les combattants de la révolte palestinienne vont porter le kéfié. Et c'est à partir de ce moment-là que le kéfié va devenir le symbole du nationalisme palestinien, puisque les combattants de la révolte vont imposer l'interdiction de Tarbouche dans les villes arabes pour des raisons stratégiques, enfin tactiques si vous voulez. Si eux portent le kéfié et que les éduqués portent le Tarbouche, ils vont être identifiés par les Britanniques. Donc si tout le monde porte le kéfié, ils ne seront pas reconnaissables au premier regard. Donc c'est raison de départ. Mais à partir de maintenant, commence l'histoire mondiale du kéfié, qui parle donc de la révolte palestinienne pour s'étendre au reste du monde d'aujourd'hui comme vague symbole d'une jeunesse progressiste, de banlieusarde et autres, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Mais c'est tout à fait intéressant de voir la naissance d'un symbole et son histoire propre dans les contextes d'aujourd'hui. Alors, au sein du gouvernement britannique, il y a deux lignes qui s'opposent. Il y a au Foreign Office Anthony Eden, qui s'en prend à la politique stupide du Colonial Office, qui est en train de mettre en danger toutes les relations de la Grande-Bretagne avec les pays arabes, et l'autre ligne, qui est la ligne dure du Colonial Office. Alors, il faut voir que la répression britannique va être terrible. On aura près de 20% de l'ensemble de l'armée britannique dans le monde en 1937-38 qui sera stationnée en Palestine pour écraser la révolte. Et pratiquement tous les grands chefs de guerre britanniques de la Seconde Guerre mondiale, bon, qu'ils ont fait en général la Première Guerre, c'est ses chefs de guerre, passent par la Palestine, comme dans les opérations de répression, avant de reprendre des postes qui vont les illustrer durant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, Montgomery va participer à la répression de la révolte palestinienne. Donc c'est quelque chose qui marque à l'époque. C'est le plus grand soulèvement anticolonial de l'entre-deux-guerres dans l'Empire britannique, puisque les Français s'étaient quand même tapé la guerre du Rif et la révolte syrienne. Alors, première chose que font les Britanniques pour essayer de calmer le jeu, parce que vous savez, quand des émeutes, on dit, bah, on ne fait pas de concessions, et ensuite on dit, mais, et donc dans le cas précis, on renonce au transfert de population. Alors, les Britanniques essayent de contrer Radio Barry en lançant des émissions de la BBC en arabe. Mais ça marche pas, parce que la première émission de la BBC en arabe, le 3 janvier 1938, est une émission typiquement BBC. Vous savez, la BBC cherche absolument à créer une crédibilité en matière d'information. Donc, quand on écoute la première émission de la BBC en arabe, on apprend qu'on vient de pendre un nationaliste arabe en Palestine. Ce qui, pour la propagande, est un effet absolument désastreux. On a la dépêche de l'ambassadeur britannique en Arabie Saoudite qui dit « Je viens de voir le Ibn Saoud, il a ouvert son poste radio hier et pour entendre qu'on pendait des Arabes en Palestine, il est furieux. » Bon, enfin, ça fait partie du plaisir anglais, ce genre de choses. Non, je veux dire, cette honnêteté radiophonique. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, bon, c'est beaucoup moins important aujourd'hui, mais dans ma jeunesse, la BBC en arabe était écoutée partout au Moyen-Orient parce qu'elle était considérée comme fiable. Et je me rappelle en Syrie, dans les années 80, d'entendre des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs de bus mettre la BBC en arabe pour avoir les informations. Parce qu'on savait bien que les informations du régime syrien, elles, n'étaient pas fiables. En plus, la BBC semble avoir oublié d'acheter des disques en arabe. Donc les intermèdes musicaux sont en musique classique européenne. Alors que Radio Barry, elle, utilise de la musique arabe. Bon, alors la France va lancer un peu plus tard sa propre émission sur ce qu'on appelle à l'époque le post-colonial, qui s'appelle aujourd'hui Radio France Internationale. Mais chut, il ne faut pas le dire. Alors, une médiation est proposée par Nouri Saïd, avec le soutien de plusieurs pays arabes, contre la limitation de la population juive de Palestine à moins de 50% de la population totale. Les pays arabes accepteraient d'ouvrir leur pays à l'immigration juive, mais le mouvement sioniste refuse parce que la priorité absolue, c'est la constitution de l'État et non pas la création de nouveaux ghettos juifs. On ne veut pas d'arabes de confession mosaïque. Weizmann accable d'injures tous ces levantins et juifs assimilés qui veulent étrangler le foyer national juif. Il plaide auprès des Britanniques à une politique de force et de fait accompli. Alors, tout ça, c'est l'année 38, avec une montée des violences, de la répression, des assassinats. Et ce qui compte, c'est que comme l'année 38, évidemment, elle démarre par l'Anschluss, le facteur européen va peser de plus en plus lourdement. C'est-à-dire qu'à Londres, la vision des choses va progressivement se transformer. Il ne s'agit plus de s'occuper de la Palestine. Il s'agit de prendre en compte les intérêts stratégiques de la Grande-Bretagne devant le risque de guerre mondiale. Par ailleurs, la violence en Palestine amène une chute de l'immigration juive. 10 536 immigrés en 37, 12 868 en 38. Alors, l'armée britannique quadrille le territoire, utilise une législation antiterroriste. C'est un des premiers moments, c'est dans les années, seconde moitié des années 30 que le mot terroriste entre dans la langue juridique du monde entier. La première fois, je l'avais montré dans un autre texte, c'était au Bengale, où il y avait un anti-terrorist act par les Britanniques. Et donc maintenant, on utilise le terme antiterroriste dans la fin des années 30. Ça permet de multiplier les sanctions collectives, les arrestations sans jugement des suspects. Et on pratique ce qu'on appelle aujourd'hui la contre-insurrection, qui recourt à toutes les formes de violence, comme les meurtres, les viols, la torture. Les soldats britanniques utilisent systématiquement des boucliers humains pour entrer dans les villages arabes Et cette pratique sera sanctionnée positivement par la Société des Nations. La Commission des mandats trouvera très bien d'utiliser des boucliers humains pour la répression. Les nationalistes arabes diffusent dans toute la région le récit des atrocités qui sont réelles, commises par l'armée britannique, et Hitler utilise ces récits pour montrer l'hypocrisie des puissances démocratiques qui se prétendent défenseurs de la liberté. Alors évidemment, les Britanniques tolèrent, voire plus, arment les milices juives d'abord d'autodéfense, et puis certains militaires britanniques vont organiser des commandos juifs pour attaquer et assassiner des chefs de bandes arabes. Ces violences s'intègrent dans l'appareil de contre-insurrection, mais en revanche, l'Irgun mène des politiques de représailles, donc la droite sioniste, en multipliant les attentats contre la population arabe. Ils innovent entre autres en mettant en place pour la première fois au Moyen-Orient les voitures piégées. Donc la violence est absolument terrible et on entre dans ce cycle de représailles et de contre-représailles. Et assez rapidement, la révolte palestinienne va s'accompagner d'une guerre civile arabe, puisque les cadres du mouvement Nashashibi sont attaqués ou assassinés comme collaborateurs par les partisans des Husseini, mais du coup les Nashashibi font leur propre commando pour tuer des partisans des Husseini. Alors à ce clivage Husseini-Nashashibi correspond aussi un clivage de classe sociale. Les Husseini, qui au départ sont des grands propriétaires comme les gens des Nashashibi, ont sacrifié en quelque sorte leur fortune foncière pour la cause nationale et ont soutenu et encadré la révolte paysanne. Et cette révolte paysanne prend aussi un caractère de classe sociale contre les grands propriétaires qui, eux, sont plutôt dans l'obédience Nashashibi. Donc il y a une guerre civile arabe qui va être absolument catastrophique pour la cause palestinienne en même temps que la grande révolte. Alors il faut bien comprendre qu'à partir du second semestre 1938, la réalité politique du Proche-Orient est dominée par la menace croissante de guerre. Certes, Neville Chamberlain tente de un rapprochement politique avec l'Italie afin de l'éloigner dans l'Allemagne nazie, mais ce sera une courte accalmie marquée par les accords dits de Pâques 1938 qui règlent un certain nombre de contentieux mineurs en mer Rouge, plutôt en faveur de l'Italie, réassure la liberté de circulation par le canal de Suez qui est une artère vitale pour l'Italie puisque c'est par là où passe tout ce qui est à destination de l'Éthiopie. La Grande-Bretagne reconnaît la conquête italienne de l'Éthiopie et l'Italie arrête son soutien matériel et de propagande à la révolte palestinienne. Et dernière clause des accords de Pâques, le retrait des troupes fascistes italiennes d'Espagne. Mais bon, ça, c'est aucune importance parce que maintenant, on peut penser largement que Franco est en train de gagner la guerre. Et donc, la présence des militaires italiens en Espagne est secondaire. En septembre 1938, c'est la crise des Sudètes et la conférence de Munich. Cette fois, la guerre prend un caractère concret au grand dépit de Mussolini, qui sait que son pays n'est absolument pas préparé. Mussolini pense que l'Italie ne sera pas prête avant 1941-42 et que toutes les positions italiennes en Méditerranée orientale sont en situation de vulnérabilité. Et donc, ça lui permet d'agir, entre guillemets, en étant le médiateur de la conférence de Munich qui cède les Sudètes à l'Allemagne nazie le 16 novembre, avec le retrait des 10 000, entre guillemets, volontaires italiens d'Espagne. Mais comme je vous dis, ça n'a pas grande importance. En revanche, la propagande italienne se tourne contre la France, en dépit du fait que la France a reconnu la conquête de l'Éthiopie le 19 novembre 1938. La Corse, la Savoie et la Tunisie apparaissent comme les nouvelles revendications italiennes. En revanche, l'annexion de l'Albanie, seul pays musulman d'Europe indépendant, par l'Italie en avril 1939 provoque une très forte hostilité dans les pays arabes et musulmans. Les atermoiements britanniques se comprennent par la peur justifiée des responsables britanniques d'avoir à faire la guerre simultanément à trois grandes puissances, l'Allemagne nazie, le Japon et l'Italie. Certes, l'Italie apparaît comme le maillon le plus faible, mais une guerre contre l'Italie concentrerait des ressources indispensables pour affronter les deux autres. On peut céder devant les revendications allemandes en Europe orientale et japonaise en Chine parce qu'elles ne constituent qu'un danger mineur pour l'Empire britannique. En revanche, la Méditerranée est vitale pour l'Empire. Donc on peut céder devant le Japon et l'Allemagne, mais pas devant l'Italie. Et c'est la thèse du Foreign Office face au Colonial Office, puisque le Foreign Office trouve que la révolte palestinienne est un danger pour la structure même de l'Empire parce qu'elle atteint les voies impériales de communication. Et donc, va là s'ajouter, et ça c'est les éléments terribles du drame, va s'ajouter ce qu'on appelle à l'époque la question juive. Les Juifs étaient les victimes par excellence du régime nazi, alors que le sentiment très majoritaire des pays démocratiques était le refus de la guerre. Et en ce sens, les Juifs, en tant que victimes, vont devenir, pour les mouvements pacifistes, les fauteurs de guerre. L'antisémitisme qui monte en Europe de l'Ouest en 1938-1939 est une association complètement fausse, historiquement parlant, entre le bellicisme et la cause des Juifs. Ce qui va amener au fait que toute position ferme par rapport au nazisme se fait taxer de bellicisme. On a récemment, par exemple, republié des papiers du philosophe Alain, qui est un pacifiste acharné, mais qui se montre d'un antisémitisme de plus en plus forcené, entre autres parce qu'il est pacifiste. Donc plus les Juifs étaient persécutés, plus la propagande antisémite les accusait de chercher à provoquer la guerre. Donc diminuer la présence juive en Europe pouvait être considéré comme un moyen de réduire les risques de guerre. La propagande sioniste utilisait pleinement cet argument en posant que la Palestine était le seul havre possible pour les Juifs d'Europe persécutés, pas seulement dans l'Allemagne nazie puis en Autriche, mais dans l'ensemble de l'Europe centrale. Et ce qui devenait l'argument qui justifiait l'accord de transfert. Mais le déchaînement de violence antisémite qui accompagne l'annexion de l'Autriche en mars 1938 provoque un exode sans commune mesure de Juifs persécutés par rapport à ce qui est à l'époque précédente. Les pays d'Europe et d'Amérique commencent à se fermer devant les réfugiés. Et si la France et la Grande-Bretagne peuvent étudier des refuges dans leurs empires coloniaux, du côté français Madagascar, du côté britannique la Guyane, cela ne va pas plus loin que quelques études préliminaires. Donc c'est ça, cette situation qui devient de plus en plus tendue au second semestre 1938. En dehors de l'indispensable répression en Palestine, il faut retrouver des interlocuteurs arabes pour trouver une solution politique. Mais personne ne peut accepter le plan de partage. Durant l'été 1938, les responsables coloniaux se rendent compte qu'il n'est pas possible de tenir une consultation à Jérusalem en raison de la violence. Il est acté de tenir une conférence à Londres. À ce moment-là, on envisage encore de créer un État juif, mais plus réduit que le plan Peel. Les études ont montré que dans les limites du plan Peel, l'État juif serait à 49% composé d'Arabes propriétaires des deux tiers des terres. Un transfert de population implique de disposer de réserves de terres à l'extérieur qui n'existent pas. Il faudrait des grands plans de développement avec de l'irrigation, mais ça, c'est sur plusieurs années. Or, la situation est dans l'urgence. Et de toute façon, tout plan de développement doit prendre en compte la très forte natalité arabe, ce qui fait que la question est des plus difficiles. La crise de septembre 1938 a imposé le rappel en Europe d'un certain nombre d'unités britanniques combattant en Palestine. Je rappelle que l'armée britannique est encore une armée de métier à ce moment-là. un nouveau consensus est en train de se forger. En cas de guerre avec l'Allemagne, il n'est pas possible de s'aliéner les États arabes. Plus clairement, si la guerre éclate, la Grande-Bretagne combattra pour sa propre survie et tout doit être subordonné à la nécessité de gagner la guerre. Winning the war. C'est impressionnant, quand vous êtes dans un document d'archives, parfois vous avez des émotions fortes. Vous savez, dans le système britannique de bureaucratie, vous avez une dépêche qui circule entre différents bureaux et chacun fait un rajout à la plume sur le texte pour donner son commentaire. Et donc, je voyais ça dans les archives du Colonial Office au moment de Munich. Et le dernier commentaire, c'est « Winning the war », remporter la guerre. Mais il faut bien comprendre qu'en anglais et pour les responsables britanniques, « winning the war », ça signifie être capable de faire tout, même le moralement le plus condamnable, puisque l'objectif est de remporter la guerre. Après Munich, la guerre devient quasiment inévitable. Certes, Chamberlain en haut peut encore imaginer jusqu'au printemps 39 la possibilité d'un accord avec l'Allemagne, mais dans la structure impériale, maintenant, tout le monde est convaincu que la guerre est inévitable. C'est la même chose en France. C'est quand vous regardez les archives coloniales françaises et britanniques, vous voyez que dès l'automne 38, les empires coloniaux se mettent en ordre de bataille avant les métropoles. Ce qui est assez surprenant quand on s'y attend pas. Ils sont déjà en dispositif de guerre à la fin de 1938. Donc vous allez comprendre cette terrible mécanique infernale. L'immigration juive en Palestine était compatible, voire allait dans le sens d'une politique d'apaisement pour diminuer les risques de guerre, même si elle mécontentait les pays arabes. Si la guerre devient inévitable, il sera indispensable d'y mettre fin afin d'assurer la sécurité des voies impériales de communication. De plus, les opinions publiques des pays démocratiques restent hostiles à la perspective d'entrer en guerre. Il ne faut surtout pas apparaître comme vouloir la guerre pour sauver les Juifs, comme le prétendent bien des pacifistes qui sont de plus en plus contaminés par l'antisémitisme. Autrement dit, et pour être clair, et ça explique tout le drame de la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Angleterre, en 38-39, acceptent, enfin disons les classes dirigeantes, acceptent l'idée d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie, pas pour la démocratie, pas pour ceci, pour cela, les droits de l'homme. Ils sont décidés à entrer en guerre parce que c'est un danger de puissance et qu'elle remet en cause l'existence même des empires français et britanniques. On est plus dans une logique de puissance que dans une logique de moralité. Ils sont prêts à entrer en guerre, mais ils admettent que la condition d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie, c'est d'abandonner les Juifs d'Europe. Et cette attitude sera ensuite reprise par l'Amérique de Roosevelt à partir de 1940-1941. Ce qui expliquera bien, lors de la Shoah, de la destruction des Juifs d'Europe, qu'il y a bien une responsabilité des démocraties, parce qu'elles ont sciemment abandonné le judaïsme européen à la destruction. Donc, à l'automne 38, c'est clair, il n'y aura plus de plan de partage de la Palestine, ce qui est rendu officiel le 9 novembre 1938, et on réunira à Londres une conférence des intéressés pour essayer de trouver une solution. 9 novembre 1938, ça correspond à la nuit de cristal en Allemagne, le grand pogrom du 9 au 10 novembre 1938. Tout le monde a compris que la représentation arabe confiée aux États arabes et une participation palestinienne soumise à un veto britannique pour sa composition a pour but de susciter l'émergence d'interlocuteurs palestiniens distincts des partisans du Mufti. Ce dernier, qui est à Beyrouth, a parfaitement compris qu'on veut se débarrasser de lui et il réagit de façon intelligente en reconstituant un haut comité arabe en exil et en conservant la présidence et en affirmant ensuite qu'il refuse d'aller à Londres mais qu'il est prêt à déléguer ses subordonnés pour y aller, ce qui est une solution techniquement acceptable pour les Britanniques. Mais évidemment, Tout ça, ça implique une négociation triangulaire entre Londres, Jérusalem et Beyrouth, et donc cela prend du temps. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui la révolte palestinienne et la veille de la guerre. L'invitation faite à l'Égypte de venir à Londres est une étape importante, car cette fois, l'Égypte va être directement impliquée dans la gestion du dossier palestinien. Et c'est surtout le moment où l'Égypte commence à basculer vers l'arabisme. Au début des années 30, les intellectuels égyptiens disaient encore « l'Égypte est un pays de langue arabe ou de culture arabe, mais n'est pas un pays arabe ». En 1938, la classe politique égyptienne dit « l'Égypte est un pays arabe ». Il y a une conversion culturelle de l'Égypte à l'arabisme, en particulier dans le Waft. Vous rappelez, le fondateur du Waft, Sarzalul, avait dit « 0 + 0 = 0 ». Dire « nationalisme égyptien plus nationalisme arabe », ça rapporte rien. Mais en 1939, c'est différent. Le Waft et le roi Farouk pensent que l'Égypte, de plus en plus indépendante, doit avoir un rôle moteur dans la région. Elle ne peut le faire que si elle prend le langage politique de la région, donc le nationalisme arabe. Mais il faut voir aussi tous les développements des années 30 sur le plan culturel. Les nouveaux médias comme le cinéma et le disque diffusent dans toute la région une culture populaire arabo-égyptienne au point de faire du dialecte égyptien une langue de communication régionale qui était tout à fait absente avant 1930, pour simplifier les choses. C'est Oum Kulsoum qui développe la culture arabe, arabo-égyptienne dans l'ensemble du monde arabe. En Égypte même, la naissance d'un islam politique représenté par les frères musulmans va aussi dans le sens d'une revendication arabe confondue avec l'islam. Et très tôt, les frères musulmans se sont dotés d'un organisme militaire secret, qu'on appelait tout simplement et bêtement l'organisation secrète, Al-Tanzim al-Sirri, dont la principale activité à cette époque, je le rappelle, c'était surtout d'attaquer les commerçants juifs du Caire et faire des violences contre les communautés juives d'Égypte. Mais Hassan al-Banna utilise la cause palestinienne pour créer un mouvement paramilitaire clandestin qui pourrait éventuellement lui servir plus tard pour une prise du pouvoir. Du coup, l'entrée en scène de l'Égypte modifie la scène politique arabe. Les responsables égyptiens se méfient des ambitions unitaires des Hachémites, que ce soit la grande Syrie d'Abdallah ou le croissant fertile des Hachémites de Bagdad. Donc, les Égyptiens se retrouvent sur la même position que celle de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, qui maintenant est un pays totalement indépendant, puisqu'il n'a plus aucune clause limitative de souveraineté, et qui a tenté dans les années 30 d'avoir une politique d'ouverture vers l'extérieur pour ne pas dépendre exclusivement des Britanniques, ce qui avait permis l'ouverture d'un consulat, de trois consulats, enfin un consulat soviétique, un consulat allemand et un consulat italien à Jeddah. Bon, mais le but réel de Ben Saroud à l'époque, c'était surtout de se procurer des armes. Donc, il avait négocié avec l'Italie fasciste des achats d'armes, mais ça n'avait rien donné de concret, tout simplement parce que ses poches étaient vides et qu'on n'allait pas lui donner des armes, mais qu'on voulait lui vendre. Quant au consulat d'Union soviétique, il était tenu par un musulman soviétique qui était tout à fait sympathique et qui militait pour une présence soviétique. Le problème, c'est qu'il a été rappelé pour terminer directement au goulag, où il est mort, puisqu'on est à l'époque des grandes purges staliniennes, et donc le consulat a été fermé et ne sera rouvert qu'après les années 1990. Donc on est en veille de guerre au début de 1939. C'est la présence italienne dans le Dodécanèse, donc dans la région de Rhodes, dans l'archipel autour de Rhodes, les 12 îles, qui sert aussi de justification à la Turquie pour revendiquer le sanjak d'Alexandrette, le Hatay. Alors, dans le sanjak, les non-turcophones, c'est-à-dire les Arabes et les Arméniens, tentent de s'opposer à la mainmise turque en s'en prenant aux colonialistes fascistes turcs. Ça prouve qu'ils sont en train d'adopter le vocabulaire de l'antifascisme. Le comité des experts, désigné par la Société des Nations, prépare un statut de large autonomie, ce qui permettrait d'ailleurs à la France de maintenir une présence militaire indéfinie, mais le gouvernement syrien n'en veut pas. Alors, on doit tenir des élections dans le Hatay pour définir son avenir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour accepter le rapprochement avec la Turquie. Alors, on essaye de persuader les habitants de choisir la communauté qu'ils doivent avoir pour être représentés dans l'assemblée du Hatay. Mais certain nombre de personnes ne veulent pas se faire authentifier à telle ou telle communauté. Les musulmans sunnites disent « on ne veut pas être reconnu comme turc ou arabe, on veut être sunnite ». Et on dit « ah non, vous n'êtes pas dans les cases ». Et donc on voit une perversité supplémentaire. Et finalement, le projet turc, c'est de faire un recensement communautaire qui fixerait par définition le résultat des élections à venir. Il suffit d'avoir les communautés, définir que telle ou telle personne appartient à telle communauté, on a le résultat des élections, sans même avoir besoin de les faire tenir. Alors les Français qui ont besoin de la Turquie cèdent de façon systématique, mais on n'arrive pas à caser, parce qu'un certain nombre de gens veulent être dans une case qui s'appelle « autre communauté », et que évidemment ni les Français ni les Turcs ne peuvent accepter cette situation. Finalement, Français et Turcs trouvent la bonne solution, puisqu'ils décident que l'Assemblée du Hatay aura 40 sièges, dont 22 seront accordés aux Turcs, avant les élections. Et donc, le 4 juillet, sur cette base, un traité d'amitié entre la France et la Turquie est conclu. Les deux parties s'engagent à ne pas commettre des actes hostiles politiques et militaires par rapport à l'autre, et en cas d'agression contre l'une des parties, à ne pas soutenir l'agresseur. Et dans la foulée, l'armée turque entre dans le Sanjak. Donc les élections peuvent se tenir correctement en présence de l'armée turque. Et comme on a simplifié les calculs en mettant un candidat par poste, l'affaire est réglée. Et sous le contrôle des militaires français qui restent encore dans le Sanjak, on procède à la turquification du territoire. 80% des chrétiens du Sanjak, en particulier les Arméniens, quittent le Sanjak dans les semaines qui suivent. Les Français vont réinstaller les Arméniens dans la Bekaa syrienne, à Anjar, où ils sont toujours là. Enfin, il y a toujours une présence arménienne dans le camp de réinstallation des réfugiés arméniens d'Alexandrette. Et évidemment, les biens des gens qui ont quitté ont été confisqués. De même, beaucoup de musulmans arabes fuient aussi le Sanjak pour repartir en Syrie, ce qui fait qu'à la fin, il y a une majorité turque. Alors, les nationalistes syriens accusent à juste titre les Français de trahison. Les responsables de la politique française, eux, disent que les minoritaires chrétiens et leurs défenseurs sont manipulés par les Italiens et les Allemands pour nuire aux intérêts stratégiques de la France. En clair, les nationalistes arabes syriens vous disent « Nous avez bassiné pendant des années sur la protection des chrétiens d'Orient, mais vous les lâchez dès que votre intérêt vous conduit à faire un autre choix. » C'est-à-dire, là on a, si vous voulez, dans une dimension moins forte, le même choix dramatique que les Britanniques sont en train de commettre en Palestine. La guerre est imminente, il y a des choix géopolitiques qu'il faut faire, et donc, on bafoue les principes sur lesquels on était établi, ici la protection des chrétiens d'Orient, parce que la priorité absolue est la défense du territoire. Autrement dit, et il faut bien le comprendre, ce sont les anti-munichois qui donne le Sanjak à la Turquie et les Munichois qui s'y opposent. De la même façon que ce sont en Angleterre les anti-Munichois qui arrêtent l'immigration juive en Palestine et pas les Munichois. C'est en situation inversée par rapport à ce qu'on pense habituellement. Peu avant sa mort, le 10 novembre 1938, Mustafa Kemal Atatürk avait juré ses compagnons d'armes d'agir avec prudence face à la nouvelle guerre mondiale qui s'annonce. La Turquie ne peut pas se permettre une nouvelle catastrophe comme celle des années 1912-1922. L'économie turque ne peut pas supporter le choc. 70% de la population est encore engagée dans l'agriculture. Alors, le successeur de Mustafa Kemal, c'est son vieux compagnon de garde, Ismet, le vainqueur de la bataille d'Inonu, et qui a pris comme nom patronymique Inonu, et qui maintient cette politique de prudence héritée de Mustafa Kemal. C'est agir pragmatiquement et prudemment et pas par idéologie. En dehors du Hatay, il n'est pas question d'agrandissement territorial de la Turquie. L'histoire ottomane montre à la fois la nécessité d'une forte méfiance envers les grandes puissances et la nécessité du refus des aventures extérieures. Mais pour l'instant, la Turquie considère que son ennemi prioritaire, c'est l'Italie, puisqu'ils sont à 3 km des côtes turques, et donc ça amène la Turquie plutôt à s'aligner sur la France et la Grande-Bretagne, ce qui amène la conclusion d'un prêt de 16 millions de livres sterling par la Grande-Bretagne à la Turquie pour acheter des armes britanniques, tandis que le 23 juin 1939, de facto, la France abandonne ses dernières positions dans le Sanjak et les militaires français évacuent le territoire. Alors évidemment, pour le bloc national, c'est une catastrophe complète. Non seulement il ne réussit pas à se faire obéir par les minorités, il n'obtient pas la ratification du traité franco-syrien et il a perdu le Sanjak. Par rapport à la situation sur le terrain, nous sommes maintenant au printemps 1939, la marche à la guerre s'accélère. Il est évident que les Français ne peuvent plus se permettre le luxe de tolérer les activités palestiniennes dans le mandat. Et donc, les Français ferment progressivement les structures de soutien à la révolte palestinienne, parce que là, maintenant, on revient à la solidarité franco-britannique, puisqu'on est sur pied de guerre. Alors, Benjamin tente de louvoyer et propose à la France de lui servir d'allié politique en Afrique du Nord en utilisant son identité de leader musulman pour pousser les populations de l'Afrique du Nord française à soutenir la République française dans la conjoncture qui est celle de l'approche de la guerre. Alors, les Français avait voulu boucler le dossier de l'indépendance en assurant un statut définitif des communautés religieuses pour donner le maximum de garanties à ces minorités, ce qui prévoyait le droit pour tous, y compris pour les musulmans, de changer de religion et à des musulmanes d'épouser des non-musulmans. Les ordonnances du haut-commissaire sur ce domaine sont rejetées par les chefs religieux musulmans. Et le gouvernement du Bloc national démissionne en février 1939, alors que de violentes manifestations populaires. En général, on date de là l'émergence du mouvement des frères musulmans en Syrie, des émeutes de février 1939. Et il y aura une très forte instabilité ministérielle jusqu'au moment, en juillet 1939, où le haut-commissaire français suspend la constitution, réinstalle des collaborateurs de la France comme interlocuteurs politiques. Le haut-commissaire français Ponceau avait même pensé à un moment créer un royaume de Syrie en proposant comme roi de Syrie Faisal, le deuxième fils d'Ibn Saoud, celui qui est à l'époque ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, le futur roi Faisal. Mais c'est plus un instrument de chantage sur la classe politique syrienne qu'une volonté réel. Devant la montée des périls, les chefs d'état-major britanniques avaient insisté sur le besoin de convaincre l'Égypte et les pays arabes de leur intérêt à respecter les obligations prévues par traité. La maîtrise du Moyen-Orient est indispensable pour la défense de l'Empire. C'est ainsi qu'est défini l'enjeu palestinien au début de 1939. On soupçonne, à juste titre, mais sans preuve, que l'Italie et l'Allemagne ont apporté un soutien au moins financier à la révolte, mais c'était, en tout cas dans l'Allemagne, pour but essentiel de faire diversion à la situation européenne. La conférence dite de St. James, du nom du palais où se tient, sur la Palestine, s'ouvre le 7 février 1939. Les délégations arabes et sionistes siègent dans des salles séparées, les Britanniques faisant la navette. Weizmann pose le problème du danger que courent les Juifs d'Europe et du risque qui menace leur existence nationale. Les Britanniques répondent qu'ils ne peuvent pas ne pas tenir compte de l'existence d'un million d'Arabes palestiniens et de la nécessité de se concilier le monde musulman en cas de guerre mondiale. Les discussions avec les Arabes portent sur les engagements pris par les Britanniques. Des réunions informelles entre les deux camps portent sur la question de savoir qui doit être minoritaire en Palestine. Et évidemment, chacun campe sur ses positions. La position maintenant développée par les Britanniques, c'est la prolongation du mandat qui devrait permettre la constitution progressive d'un État palestinien qui ne serait ni juif ni arabe. L'idée est de donner aux juifs le veto sur l'indépendance et aux arabes celui sur l'immigration. Donc c'est la théorie du double veto ou du veto réciproque. Chacun se bloquant serait donc forcé de s'entendre avec l'autre. Le résultat est inverse. Chacun dit non. Ils sont d'accord pour dire non, mais pas pour dire oui. Pour les 5 ans à venir, il y aurait 10 000 immigrants légaux par an et 25 000 visas spéciaux pour réfugiés. La population juive atteindrait ainsi le tiers de la population totale. Les transferts fonciers seraient limités et des mesures de self-government permettraient de préparer l'indépendance dans un délai de 10 ans. Arabes comme juifs refusent le projet. Et la conférence est terminée le 15 mars 1939, jour où l'armée allemande entre à Prague. Le président Roosevelt, qui fait face à une vigoureuse campagne pro-sioniste, demande aux Britanniques de suspendre la publication des décisions, ce que les intéressés font bien volontiers puisqu'ils cherchent encore à négocier. Les États arabes voudraient bien accepter les propositions britanniques, et font porter la responsabilité sur les Américains si elles ne vont pas plus dans leur sens. En fait, et ça ce sera le même reproche qu'on fera plus tard à Arafat, on reprochera à Benjamin d'avoir amené les Palestiniens à refuser les propositions britanniques alors que c'était probablement le maximum que les Britanniques pouvaient leur donner. Finalement, le livre blanc sur la Palestine est publié le 17 mars 1939. Je n'insiste pas, ça reprend les clauses que je vous ai indiquées, avec l'insistance aussi sur le fait que les États arabes sont maintenant des parties prenantes dans la gestion du dossier. La publication du livre blanc provoque des protestations véhémentes en Palestine de la part des mouvements juifs. L'Irgun s'en prend aux policiers britanniques, puis à la population arabe, multipliant les attentats contre la population civile, tandis que la Haganah se lance dans l'organisation des migrations clandestines avec la complicité des autorités nazies, puisque ça passe par des circuits qui sont contrôlés par l'Allemagne nazie pour faire arriver les gens en Palestine. Mais il faut bien comprendre, encore en 1939, la ligne allemande, c'est l'accord de transfert, puisqu'il ne sera arrêté que le 1er septembre 1939, début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc, maintenant, à l'été 1939, les systèmes militaires se mettent en branle. On voit, par exemple, les 3 chefs militaires britanniques pour le Moyen-Orient ensemble pour conférer. Donc, le marin, Cunningham, l'aviateur, et Wavell, donc le commandant de l'armée de terre. Donc, ils confèrent ensemble pour faire face aux menaces. La première nécessité est de coordonner, ce qui fait qu'en juin 1939, les Britanniques créent un commandement de l'ensemble du Moyen-Orient. L'occupation de l'Albanie par les Italiens en avril 1939 accélère le mouvement. En réponse, la France et la Grande-Bretagne accordent des garanties de sécurité à la Grèce et à la Roumanie, ce qui renforce la position stratégique de la Turquie. Les plans prévoient une action conjointe franco-britannique pour chasser l'Italie de l'Afrique, aussi bien en Libye qu'en Éthiopie et Somalie. Du point de vue maritime, la France a le contrôle de la Méditerranée occidentale, pour la raison habituelle, contrôler la circulation entre l'Afrique du Nord et la métropole et faire passer l'armée d'Afrique en métropole, comme en 1914. Et la Grande-Bretagne contrôle la Méditerranée orientale. Il faut rappeler que la flotte française de la fin de la Troisième République est une des plus fortes au monde. C'est celle de l'amiral Darlan. Elle est la troisième ou quatrième marine au monde. Elle surclasse la marine italienne et la marine allemande. Et nous entrons donc dans la Seconde Guerre mondiale. Alors l'entrée en guerre, bah oui, elle est déclenchée à partir du 25 août 1939 par le pacte germano-soviétique qui bouleverse toutes les données stratégiques. L'Italie fasciste n'est pas prête. Et Mussolini, qui ne veut pas retrouver la situation de neutralité qu'avait eue l'Italie en 1914, parce qu'il trouvait ça vexant, invente le concept de non-belligérance, qui marque qu'il ne fait pas la guerre, mais presque. Après la conquête de la Pologne par les forces nazies et soviétiques, la Turquie s'inquiète du risque de voir cette collusion s'étendre jusqu'aux pays riverains de la mer Noire. Et les franco-britanniques craignent de la voir s'éloigner de l'alliance défensive conclue au printemps 1939. La diplomatie turque tente encore d'amener la Russie à participer au système de défense franco-britannique en Méditerranée orientale, alors que Staline cherche à détacher la Turquie de son partenariat avec les deux puissances occidentales. Ces dernières offrent une aide économique à la Turquie, qui, dans un traité signé le 19 octobre 1939, bénéficie d'un soutien franco-britannique en cas d'agression contre son territoire, sans aucune clause de réciprocité. En particulier, les Turcs ont insisté sur le refus d'un conflit armé avec l'Union soviétique. Sur le plan des propagandes, la collusion germano-soviétique permet aux puissances occidentales de se poser en ennemis des puissances totalitaires, mais une domination coloniale ne peut pas vraiment convaincre les populations dominées qu'elle agit dans le sens des libertés des peuples. D'autant plus que les nécessités de l'état de guerre amènent à un durcissement des mécanismes de répression. Les États sous-traités, l'Égypte et l'Irak, n'ont pas d'autre choix que de rompre les relations diplomatiques avec l'Allemagne nazie et de mettre leur territoire à la disposition de l'armée britannique, ce qui est très mal ressenti par les nationalistes. Du côté sioniste, Ben-Gourion marque la nouvelle ligne politique par sa phrase célèbre qui reprend le balancement de celle d'Herbert Samuel 20 ans plus tôt. Herbert Samuel disait « Traiter avec les Arabes comme s'il n'y avait pas le sionisme et traiter avec le sioniste comme s'il n'y avait pas les Arabes ». Donc la phrase est ici « Nous devons armer l'armée britannique comme s'il n'y avait pas le livre blanc et nous devons combattre le livre blanc comme s'il n'y avait pas la guerre ». Cette tactique qui permet à la main droite d'ignorer ce que fait la main gauche et qui est différente du « en même temps » d'aujourd'hui, ça c'est une incise, signifie avant tout la priorité absolue donnée à la constitution de l'État juif sur tous les autres enjeux, comme la guerre et le sort des Juifs d'Europe. Les institutions sionistes proposent une levée en masse des hommes valides du foyer national, mais les Britanniques refusent et au contraire tentent d'imposer un désarmement des milices juives. Devant le comportement britannique de respect des clauses négatives du livre blanc, la direction sioniste décide de concentrer les efforts sur la propagande dans les pays neutres, avant tout aux États-Unis. Le livre blanc met en danger le seul endroit au monde où le peuple juif existe en tant que collectivité organisée. La priorité doit être donnée à la Palestine sur le sort des Juifs d'Europe. De toute façon, il est bien connu que l'opinion publique américaine est profondément hostile à une arrivée massive de réfugiés juifs et que la Palestine est un thème beaucoup plus mobilisateur. Du côté arabe, le mufti, à partir de Beyrouth, tente une nouvelle négociation avec les Britanniques qui accepteraient le livre blanc contre une amnistie complète et la libération des prisonniers politiques. Mais les Britanniques refusent l'amnistie et donc la négociation échoue. Et le 14 octobre 1939, Benjamin s'évade de Beyrouth. Ce sera sa deuxième évasion. Il en fera quatre dans sa vie. sa deuxième évasion pour aller se réfugier en Irak, où il est accueilli par les nationalistes radicaux. En Irak, beaucoup de nationalistes sont germanophiles, mais surtout, ils haïssent la présence britannique. Et c'est bien là le mécanisme principal. D'autres, au contraire, s'inquiètent du sort des petites nations en Europe qui préfigurent ce qui pourrait se produire dans les pays arabes. Enfin, beaucoup disent tout simplement que ce déchaînement de violence en Europe marque le naufrage de la civilisation occidentale qui nous a tant fait de leçons de morale. Nouri-Saïd, en alliance avec le régent, continue de dominer la scène politique, mais doit faire face aux quatre colonels du Carré d'Or. L'arrivée du Mufti lui permet de relancer ses efforts de médiation dans le dossier palestinien, mais cela échoue. Et en mars 40, un nouveau gouvernement d'union nationale est conclu sous la direction de Rachid Ali Al-Kailani et qui comprend tous les hommes politiques majeurs. En tout cas, il n'y a pas de guerre dans la région, puisque l'Italie est en non-belligérance. Il y a quelques sous-marins allemands en Méditerranée, mais comme les Italiens refusent de les ravitailler, ils disparaissent rapidement. Et le dispositif militaire franco-britannique est encore faible. La France envoie le général Weygand au Levant, rappelé au service à 73 ans, pour créer le théâtre d'opération de Méditerranée orientale, le TOMO. La première ambition est de pouvoir disposer d'une force armée suffisante pour intervenir dans les Balkans en cas de pénétration allemande dans cette région et éventuellement de pouvoir renouveler l'expérience du front de Salonique durant la Première Guerre mondiale, puisque vous savez qu'on prépare toujours la guerre précédente. C'est une vieille règle militaire. Donc, j'arrêterai là. Vous ne saurez pas qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Je donne quand même une image. La guerre du désert. On va sentir le sable chaud. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le 28 novembre 2018 l'historien Henri Laurence, les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui la révolte palestinienne et la veille de la guerre. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 » chez Fayard en 2017 et prochainement va paraître le tome 2 de ces crises d'Orient sous le titre « La naissance du Moyen-Orient 1914-1949 ». Iconographie web Claire Poinsignon, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient en compagnie d'Henri Laurence. Il sera question de la Seconde Guerre mondiale et des heures les plus difficiles pour les Britanniques. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.